Where does the church believe this pestilence has come from? I don't believe God is punishing us like many do. I say from France, where all foul things emerge. Yeah! l'heure est solennelle, je vous appelle aux armes. Aux armes pour rendre à la France son droit à la vie européenne. Aux armes pour construire le monde de demain qui ne saurait se passer d'elle.